Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule. Aujourd'hui, j'ai la crève, mais je suis avec Fabien Deneville. Tu vas m'aider. Je vais porter la voix. Ouais. Avec Ludovic Papaïs également, dont on a souvent l'occasion de parler sur le podcast de la cellule. Hein. C'est bien d'en parler. Bonjour. Et puis avec Cobal de Radio Rollis qui est avec nous également. Bonjour. Ça va? Oui. T'as la pêche, t'as la patate, t'es pas malade? Moi ça va, ouais. Alors Radio Rollis, ça va la pêche? Oui, ça se porte tout à bien. Fait, ouais. Malgré quelques petits problèmes techniques récemment, j'ai enfin mis l'épisode 13 en ligne. D'accord. Donc tout va bien. Ouais, parce que c'est vrai que t'as eu ce petit souci de micro, moi, c'est rien du tout. Nous aussi, ça nous est arrivé. Mais t'as pas les oscillations, Guy? Mais quand tu vois que ça marche pour toi, et au début, ça marchait pour Cyril, et en fait, il y avait un faux contact dans le câble. Petit souci technique. Voilà. Sébastien, il a mangé le truc sur la console. Et ça, c'est le numéro 13 qui porte malheur. Aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est le 13. Un podcast avec un sujet racoleur, un podcast affreux, et puis surtout avec vous. Les éditeurs sont-ils méchants? Est-ce qu'on peut parler d'éditeurs méchants dans l'univers du jeu de rôle? Est-ce qu'il y a des éditeurs qui font du fric sur le dos des auteurs? Est-ce qu'il y a des auteurs qui sont proprement exploités par des vilains éditeurs francophones? Fabien Deneville, je pense que vous êtes ici le meilleur pour parler. Est-ce que vous êtes méchant? Oui. Est-ce que t'es méchant, Fabien? Non, justement, j'arrêtais pas de le dire que je suis trop gentil, moi. Ah bon? Moi, je suis trop gentil et je me fais toujours avoir, du coup. Moi, je suis le bon pigeon, moi. Tu te fais bouffer par les auteurs, en fait. Non, j'irai pas jusque-là. Mais moi, au contraire, enfin, je suis trop gentil dans la vie, mais ça, c'est autre chose. Comment est-ce que tu traites avec tes auteurs? Comment est-ce que ça se passe quand on va chez Footbridge? Moi, je suis un auteur, mettons, et puis j'arrive chez toi. Qu'est-ce qui se passe? L'idée, c'est que en général, l'auteur, il va montrer ce qu'il a déjà. C'est-à-dire, soit ça peut être quelques pages qui expliquent le principe de son jeu. D'accord. Tu vas avoir une petite plaquette d'initiation. Ça peut même être juste un pitch en quelques pages, effectivement, d'accord, où il va décrire les grands enjeux de son univers, les points d'originalité. C'est surtout ça que moi je recherche, c'est-à-dire en quoi ça se distingue de ce qui s'est passé avant, parce que moi ma ligne éditoriale, c'est des jeux qui sont originaux, innovants et qui se démarquent aussi un petit peu par leur système ou leur approche. D'accord. Donc toi, tu serais méchant avec les gens qui sont pas innovants, quoi. C'est pas méchant, c'est juste de dire là ton projet il m'intéresse pas, mais peut-être qu'il pourrait intéresser d'autres personnes. C'est plutôt ça, c'est plus une adéquation. Donc en fait, l'auteur va m'envoyer un projet. Donc soit effectivement, s'il a un kit de démo, c'était un peu ce qu'on m'a envoyé les auteurs de Théocali quand ils m'ont contacté. Donc c'est très bien. Si l'auteur a aussi, ou le collectif d'auteurs a aussi déjà des illustrations, des éléments visuels à montrer, tout ça, c'est un plus. D'accord. Évidemment. Mais derrière, si le projet m'intéresse, on va planifier à un moment une partie de découverte, quelque chose comme ça. Parce qu'effectivement, pour moi, ce qui va être le facteur déclenchant, c'est on va jouer au jeu. Et on va voir s'il tourne ou pas. Si ça tient le coup. C'est vraiment ça. Je vais pas juger le jeu uniquement sur son texte ou machin, mais vraiment sur la partie. Même si après, derrière, sur ce genre de partie, faut faire attention, parce que un bon auteur n'est pas forcément un bon meneur de jeu. Donc si on fait une partie menée par l'auteur, peut-être qu'elle sera très bien, ou peut-être qu'elle sera pas si bien que ça, mais que le jeu a peut-être plus de potentiel. Donc faut savoir bien distinguer aussi ça quand on fait le test du jeu. D'abord, il y a juste cette idée que tu vas à la rencontre d'un auteur, finalement, et de son projet. Mais ensuite, toi, en tant qu'éditeur, une fois, mettons que t'as accepté son projet, d'accord? C'est bon, pour toi, il est original. Il y a des mécaniques intéressantes, c'est du jamais lu, jamais vu dans le milieu du jeu de rôle. J'ai l'impression que c'est ça un petit peu. Qu'est-ce qui se passe à partir de ce moment-là? À partir de là, on commence déjà à planifier des choses, donc à se poser un petit peu de jalons. Et puis en général, l'édition, le cœur juridique de l'édition, c'est un contrat. Donc c'est derrière, effectivement, on discute d'un contrat d'édition assez rapidement, en général. Enfin, ça dépend à quel point le projet aboutit ou pas. C'est là que tu deviens méchant. Non. Bien sûr que non. Le principe d'un contrat. Jusqu'à maintenant, je le trouvais agréable. Il a envie que tu sois méchant. Je laisserai aux autres, peut-être à Ludovic le soin d'en parler, peut-être ce qu'il fait de son côté. Mais le principe d'un contrat, c'est uniquement de formaliser les choses. D'accord. Le principe, et même, moi, je dirais, l'idéal pour un contrat, c'est qu'on n'ait pas à s'en servir. Enfin, qu'on est à s'en servir pour le côté chiffré, le côté quantitatif, les pourcentages de droits d'auteur, tout ça, mais qu'on n'est pas à s'en servir sur les clauses qui fâchent, entre guillemets, qui sont effectivement, qu'est-ce qui se passe si jamais il y a ça, il y a ça, il y a ça ou il y a ça. Mais en général, c'est des cas qu'on ne veut pas qu'ils se produisent. Pour moi, en fait, le contrat, c'est toi, en tant qu'auteur, tu m'apportes ton univers, ton originalité, etc. Moi, en tant qu'éditeur, je t'apporte mon savoir-faire professionnel, ça va être de la maquette, ça va être de la correction orthographique, ça va être de l'illustration éventuellement, si je connais des illustrateurs et que j'ai un réseau d'illustrateurs, ça va, je te vois opiner du chef. Ça c'est, pour l'instant, c'est ça, mais c'est pas que ça. Et en échange, je te distribue et je un prends une marge sur c'est sur, un risque, c'est une prise de risque, c'est-à-dire que l'éditeur, il prend le risque d'investir dans un projet. Il fait de l'avance de trésorerie. C'est-à-dire, ouais, il offre pas tous, des pas sous. En général, un éditeur est censé avancer une trésorerie. Ah bah effectivement, c'est l'éditeur. Non, mais on n'est pas dans l'édition à compte d'auteur. Là, c'est un éditeur. C'est le mec qui effectivement va avancer l'argent en disant. Alors, c'est pas de la trésorerie. C'est sur le terme trésorerie que je suis pas d'accord. Ah ok. Après, sur les termes juridiques. Trésorerie, c'est pas. Sur les termes comptables, je sais pas. Mais ça veut pas dire la même chose en termes de gestion d'entreprise. Mais effectivement, moi, je dirais juste que l'éditeur, c'est celui qui se dit tiens, et si on tentait un truc. Et ça, c'est le côté éditeur, entrepreneur, de se dire, je prends un risque, je parie sur un poulain et j'espère qu'il donnera quelque chose de bien à la fin. Ludovic. Donc c'est ça, en fait, à mon avis, le rôle de l'éditeur. Ludovic, est-ce que tu es d'accord avec ce que vient de dire Fabien? Est-ce que tu as des précisions à apporter sur le rôle de l'éditeur? Si j'étais un éditeur et que des auteurs viennent vers moi, je ferais ça, effectivement. Un petit peu plus proche de ton micro, si possible. Oh, pardon. Là, ça va mieux. Tu as une petite voix, toi, en fait. Merci. Je sais pas si c'est un compliment. Je vais augmenter ton. Vas-y. Moi, je fais l'inverse. En fait, c'est je vais vers les auteurs. Donc, forcément, c'est pas la même démarche. Moi, je suis en position un peu plus de faiblesse entre guillemets, puisque après, ça, c'est moi qui vais les draguer, alors que toi, c'est plutôt l'inverse. C'est ils viennent te draguer. Traduction. C'est l'approche licence. C'est l'approche licence. Mais sur une création, tu ferais. Sur la création, pareil, ou pas, parce que t'as aussi un jeu en préparation en création. Ouais. Donc, sur Polar Base, effectivement, c'est Ludovic. C'est ça, c'est on est. Alors, je suis co-auteur, mais l'auteur est venu vers moi, on a travaillé ensemble. Et à un moment donné, effectivement, on signe en disant on prend le risque d'aller plus loin et d'éditer le bousin. D'accord. Et moi, j'amène. C'est vrai que l'éditeur, on dit souvent, il amène le côté. Il amène la thune, quoi. Ouais, il prend le risque ça, d'amener. Il n'y a pas que ça, mais c'est ce qu'on voit. C'est ce qui est le plus visible pour l'auteur. L'éditeur a aussi un rôle. Je te laisserai la parole après. Mais je pense que, tant que j'ai l'idée en tête, je l'ai dit. L'éditeur a aussi, à mon avis, un rôle de retour critique. C'est-à-dire que l'auteur, effectivement, si l'éditeur a aussi le rôle de regarder le jeu et de lui dire tiens, là, à ce point-là, c'est pas terrible. Est-ce qu'on peut pas le changer? Est-ce qu'on peut pas améliorer? Est-ce qu'on peut pas pousser un peu plus ce côté-là? Je pense qu'il y a un côté retour qui est important aussi au niveau de l'éditeur. Cobal, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est assez vrai. C'est vrai que l'éditeur a aussi ce rôle-là. C'est un rôle de conseil. C'est aussi ce qu'on retrouve dans l'édition en littérature. C'est celui qui va dire ça, il faut que tu le développes. Ça, c'est beaucoup trop long et ça perd de l'intérêt pour le lecteur et pour celui qui veut utiliser le truc. Ce que je voulais dire, c'est ça dépend finalement de qui est le porteur du projet. Est-ce que c'est l'éditeur lui-même qui a un projet d'édition et qui va faire appel à des auteurs pour traiter le sujet? Ou alors, est-ce qu'il va chercher des auteurs qui sont eux-mêmes porteurs de l'idée du jeu? D'accord, c'est ça. Ouais. C'est-à-dire que là, on a Fabien et Ludovic, vous êtes tous deux des éditeurs qui allaient chercher des auteurs pour leur proposer un travail d'édition de leur jeu. Alors que toi, ce dont tu parles, Cobal, c'est un éditeur qui se dit, tiens, je vais faire un jeu sur, par exemple, la période viking. Voilà. Et je vais recruter des auteurs que je pense être compétents pour créer un jeu sur ce thème-là, que je vais engager comme des salariés pour créer le jeu. C'est ça que tu veux dire? Enfin, pas toujours comme des salariés, mais enfin c'est des. C'est... mais en fait, c'est ce que je faisais il y a quelques années. Ce que vous entendez là, c'est que ces gens généralement ne payent pas ensuite leur. Et donc ils sont méchants. Ça y est, t'as ton point là. Soyons clairs. Alors attendez. Non. Alors Cobal, vas-y. Non, alors donc c'est pas du salariat parce que c'est du forfait souvent. C'est du missionnat. C'est du contrat. Comment on dit? Des contractuels. Voilà, c'est contrat d'édition. Voilà. C'est des contrats. Et c'est ce que je faisais il y a de nombreuses années, je faisais le mercenaire pour Multisim, Syros, tout ça, machin. Ouais. Où tu t'entends bien avec l'éditeur et tout, et ils pensent à toi pour écrire sur tel ou tel jeu. C'est eux qui ont l'idée du jeu, les lignes directrices, c'est eux qui établissent la charte du jeu, en fait, dans tout ce qui est aussi bien graphique que le grossaire, les termes utilisés, bref. Mmh. Et ils te disent d'écrire sur tel thème en temps de signe. Et dans ce cas, tu as juste à bien faire ton boulot et voilà. Donc c'est là qu'ils peuvent être éventuellement méchants, au sens ils vont t'obliger à faire des choses que tu n'as pas forcément envie de faire. Tu vois ce que je veux dire? Ils vont violer ta création, ton désir créatif. Ils vont le changer en autre chose. Bon, moi, je pense qu'il y a un contrat. Tu sais très bien que tu bosses pour des, oui, pour des, voilà, pour des vampires. Je pense que le. Voilà, tu sais très bien qu'il va falloir ramener des ghouls et puis. Oh là là, mon Dieu, comme les choses sont présentées. Non, je pense que les choses sont claires dès le début. Dès le départ, voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu sais très exactement. Où tu diriges, et à moins d'une énorme erreur d'interprétation, on va pas te refuser ton texte, ou alors s'il y a des modifications, ce sera mineur. Alors effectivement, Cobal, moi lorsque je sous-entends, quand je vais dire par exemple sur des forums que je trouve que les éditeurs sont méchants, parce que je rappelle nos éditeurs que je suis moi pour le coup auteur indépendant, donc je considère les éditeurs sont foncièrement méchants, d'accord ? Faut bien dire d'où on parle. Moi, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire que pour moi, là où un éditeur est méchant, c'est quand il missionne des gens pour éditer un jeu parce qu'il a fait une étude de marché et qu'il a vu que ce jeu-là, ce jeu de ce type-là, se vendrait bien. Non, je suis pas d'accord. Parce qu'en fait, après, au sein même de la maison d'édition, il y a des auteurs maison qui, eux, vont avoir le projet. Je pense à l'époque où je bossais sur Dark Earth, donc il y avait deux auteurs principaux, qui avaient conçu tout le monde, sa genèse, la façon dont il fonctionnait. C'est encore autre chose, ça. C'est que là, du coup, t'es missionné pour aider des auteurs. Voilà, c'est pas mal. Ah, mais si l'auteur, c'est celui qui tient la maison d'édition, enfin, c'est toujours pareil. C'est des personnes au final. Et après, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a effectivement, je pense pas qu'il y ait énormément, il y en a peut-être, mais qu'il y ait énormément d'œuvres de commandes, comme tu dis. Oui. Effectivement. Ce sera pas forcément des œuvres complètes. Effectivement, je pense que le format qui sera le plus habituel, c'est effectivement une mission, mais pour venir se greffer à un projet qui existe déjà. Moi, je prends l'exemple de Théocali qu'on a sorti. Les auteurs m'ont amené, donc ils étaient trois auteurs à la base et un illustrateur. Mm-hmm. Et après, derrière, moi, j'ai rajouté là-dessus deux illustrateurs, dont un qui faisait aussi la maquette, et des relecteurs, des choses comme ça. Où là, effectivement, c'est des gens qu'on va venir impliquer dans le projet en plus. Parce que c'est aussi le rôle de l'éditeur de trouver ces gens-là pour compléter un projet qui manque des compétences nécessaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc en fait, là, c'est plus l'éditeur. C'est en fait, quelque part, c'est un entremetteur. C'est un mec qui va te présenter des personnes qui vont pouvoir t'aider à faire ton projet. C'est plus un gestionnaire de projet, je pense. Gestionnaire de projet qu'un entremetteur. Parce qu'effectivement, après, chacun a sa manière de fonctionner. Mais moi, si je vois qu'effectivement l'équipe travaille bien ensemble, tant mieux. Il n'y a pas besoin que j'intervienne beaucoup. Mais s'il faut intervenir plus pour organiser le travail, pour rappeler peut-être de savoir où ça en est, faire le point, etc. Là, il y a un petit peu de boulot de gestionnaire de projet. Mais après, chacun a sa manière de faire, quoi. Ludovic, tu voulais ajouter? Non, je suis assez d'accord sur le fait que c'est pas le terme entremetteur qui est le bon. Parce qu'entremetteur, ça voudrait dire que, ok, il envoie. Il passe le mail à l'auteur, le mail de l'illustrateur, et puis il les laisse se débrouiller. C'est pas le cas. Il y aura un suivi de la part de l'éditeur pour que tout se passe bien. D'accord. Voire même, il fera le tampon entre les deux. Et malgré tout, je pense que l'éditeur fait des choix. C'est ça où je pense qui te perturbe, Romaric. C'est le fait que quelqu'un d'autre que l'auteur fasse des choix sur le contenu. C'est ça. C'est-à-dire que moi, en fait, à partir du moment où un éditeur, c'est quelqu'un qui accompagne un auteur pour l'aider à développer un projet, le chef de projet, ça me dérange pas tant que c'est pas lui qui a le dernier mot. C'est-à-dire l'auteur doit toujours avoir le dernier mot sur le principe de... Alors Fabien, je te vois tiquer. Voilà. Après, moi, je celui qui a le dernier mot, c'est celui qui met le bouquin dans les boutiques et qui investit l'argent pour le sortir. Je suis pas d'accord avec toi. C'est logique. Non, c'est pas. C'est lui qui prend le risque. C'est une certaine logique commerciale de la chose. C'est-à-dire que tu prends un risque financier, donc du coup, tu attends que l'ouvrage te donne un rendement financier. Ça c'est une logique financière justement. C'est là que t'es un méchant, tu vois, Fabien. tu vois comment t'es. Non mais après en fait juste un truc que je vais penser, c'est que dans tous les contrats d'édition, le droit moral de l'auteur est forcément respecté puisqu'il est dans le code de la propriété intellectuelle. Donc quelque part, le droit moral d'un auteur sur son œuvre, on ne peut pas lui enlever. Donc quand moi j'édite un bouquin, il y a une version finale et cette version finale ne part en impression que si elle est validée par l'auteur et par l'éditeur, qu'elle est contresignée par les deux. Bien sûr, mais je pense que on se bat aussi en tant qu'indépendant contre une certaine idée de ce que doit être un jeu de rôle fini. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, pour moi, un jeu de rôle, quand il est fini, il est en boutique et distribué par un éditeur. Mais ça, c'est déjà une manière engagée de voir les choses. Tu vois, Fabien, là, tu dis... je suis désolé, je viens de me perdre dans mon explication. Non, mais c'est un business model comme un autre. Je suis d'accord, model, c'est pas voilà, le seul, mais bon, voilà, ça reste un truc. Tu voulais dire quelque chose? Non, je voulais, effectivement, il y a deux approches. Il y a l'approche où c'est l'éditeur qui va souvent trancher d'ailleurs. Hein. C'est lui qui va prendre des décisions importantes. Mais les règles sont données au départ. C'est-à-dire quand tu signes le contrat. Mais c'est ça. Voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est que les indépendants. C'est écrit dans le contrat. Voilà. Les indépendants luttent aussi auprès des auteurs pour leur dire ne signez pas de contrat avec un éditeur. Non. Regardez ce qu'il y a dans le contrat. C'est pas pareil. Vous pouvez signer, mais après avoir lu le contrat. Mais pense que les éditeurs sont foncièrement méchants. Non. Il y a des contrats. On peut passer des contrats avec un auteur. En écrivant noir sur blanc, c'est l'auteur qui a le dernier mot sur les choix des illus, sur les textes, etc., etc. Alors toi, à la boîte à eux, c'est ce que tu fais ? Alors c'est ce que je fais avec... C'est compliqué parce que c'est de la traduction. C'est de la traduction, ouais. mais quand je propose justement le changement de couverture, typiquement, hein, ou le changement de maquette... Ah ben, en traduction, c'est le détenteur de la licence qui décide, je suppose. Alors, le devis. Ça dépend ce qu'on signe. C'est assez varié. Sur Sweet Agatha, par exemple, j'ai signé... Enfin, l'auteur voulait absolument... que je reprenne à l'identique la maquette, les illustrations, etc., etc. Ce qui est logique parce que dans cette maquette-là, il y a plein d'énigmes et des choses cachées. Oui, mais moi, ce qui m'intéressait, c'était le refaire. Là, sont un peu confondus pour. Oui, oui, mais ça m'intéressait en fait de refaire les photos avec une autre personne, enfin, etc., etc. Quoi. Ah oui, tu lui avais proposé de faire ça. Oui, moi, je lui avais proposé de faire un peu pareil, mais avec un autre artiste qui aurait fait les photos dans le même esprit, mais. Ah ouais. Un truc francisé, quoi. Et il a dit non. Non, ouais. Parce que c'est un auteur qui est artiste en même temps. Enfin, d'accord. Artiste au sens photographe, etc. Mmh. etc. Mmh. Comme pourrait l'être, par exemple, Frédéric Sintès. Oui. Je vais finir d'abord. Surprise. Donc, on a Sweet Agatha, où là, j'ai pas le choix. Si je veux avoir le contrat, comme je vous ai dit, hein, c'est pas moi qui suis en position de force. Si je veux avoir le contrat, je suis obligé de m'adapter aux conditions. Sur les licences, c'est pareil. Moi, les légendes de la garde, là où c'était difficile sur les légendes de la garde, c'était pour contacter les Américains et les faire réagir parce qu'ils étaient très très longs à réagir. Et c'est ça qui est toujours très long. Mais, par contre, j'ai pas le droit de dévier d'un iota de la maquette de base. Ou des visuels de base. Je peux en rajouter, il peut y en avoir si c'est négocié, tout ça. Mais là, au niveau de l'identité visuelle, ils ont donné, c'est eux qui donnent leur aval au truc final. Avant de lancer en impression, il y a trois phases de validation. Il y a une validation des échantillons, qui est déjà passée. Une validation des maquettes avant impression. Et après, un envoi d'échantillons du produit physique. Donc, il y a ces phases-là. Et effectivement, moi, je ne peux pas faire partir en impression si je n'ai pas eu la validation du mec d'origine. Mais là, c'est le cas d'une licence. C'est différent. Oui, mais effectivement, oui. On pourrait imaginer un contrat d'édition où, dans le truc, en plus du droit de paternité évident et du droit moral de l'auteur sur ses textes, on pourrait même imaginer mettre un contrat avec des droits sur les illustrations, des choses comme ça. Ça dépend de la confiance qu'on a dans l'auteur aussi. Voilà, c'est ça, en fait, le point. C'est que les auteurs indépendants, pendant le jeu de rôle, disent l'œuvre tout entière, de la couverture à la quatrième de couverture, en passant par les pages entre les deux, sont la propriété de l'auteur. Et donc, c'est à lui de tout faire. Tout. Non, y compris la distribution. Je suis assez d'accord avec toi, c'est ce que vous voulez. Ouais. Hein, c'est tout faire. C'est ce qu'on veut. On veut tout faire. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, et je vais le répéter parce que je trouvais ça pas mal. C'est que si t'es pas très doué en maquette, que nous, on te propose un maquettiste de talent qui va te sublimer ton travail et tu vas te dire, ah ouais, c'est vachement mieux que si c'était moi qui l'avais fait. Ben, tu préféreras quand même la jolie maquette, peut-être, non ? Oui. Ou même sur l'illustration. Si on te trouve des illustrateurs, moi, là, sur la convention Eclipse Arène, j'ai un illustrateur qui est celui qui est breton et qui est celui que j'ai présenté aux auteurs et qui a fait un travail formidable. Ils étaient complètement bluffés par le travail de l'illustration. Alors après, tu vas nous dire, oui, mais l'auteur pourrait contacter l'illustrateur lui-même. Ok. Mais dans ce cas-là, effectivement, c'est de l'auto-édition. Il faut qu'il le contacte lui-même. Il faut qu'il négocie lui-même le contrat. Il faut qu'il le paye lui-même. Il faut, enfin voilà, dans ce cas-là, on est sur une démarche qui est une démarche d'auto-édition comme ce que tu fais. Exactement. Mmh. Mais qui n'est plus la même. J'avais contacté Ron Edwards pour traduire Sorcerer. Bon, le plan est un petit peu tombé à l'eau, mais il était super. Initialement, il était vraiment très fermé à toute forme d'édition classique. Ouais. Et ce qu'il m'avait dit, c'était de reprendre à l'identique le contenu du bouquin. Avec illustration comprise, de juste de le traduire et après de tirer un certain nombre d'exemplaires moi en auto-édition et de lui payer en fait une sorte de forfait fixe d'un certain certain montant. L'équivalent d'un royalties quoi. Oui, enfin c'est un fixe, c'est une licence. Ouais, voilà, c'est un droit de licence. Ouais. Ouais. Moi, le truc qui me dérange en fait dans tout ce que vous êtes en train de dire, c'est que tôt ou tard, il va y avoir un rapport avec la vente et l'argent. Il va y avoir l'argent. À un moment donné, il y a forcément un moment donné où vous allez vous dire, parce que ce jeu a des chances de mieux se vendre qu'un autre, je vais l'éditer. Mais, ou alors, je vais faire en sorte d'améliorer son design pour qu'il se vende. Non. Alors c'est pas tout à fait ça. C'est on va l'éditer ou améliorer son design parce que nous ça nous plairait plus personnellement déjà et donc on se dit que ça plaira à tout le monde aussi. Enfin pas à tout le monde mais au plus grand nombre. Mmh. On fait déjà ça parce que par passion. Parce que ça vous plaît. À voilà. Cobalt, tu voulais dire quelque chose. Et puis surtout si on qu'on a envie d'éditer un jeu, c'est qu'on se dit ce jeu est génial, je veux absolument qu'il soit disponible en français pour que tout le monde puisse le lire. Que ça soit une trad vraiment excellent. Tout à fait. Sur les gens de la garde, c'est exactement voilà, c'est ça. C'est moi, j'ai eu le truc, j'ai complètement flashé dessus et voilà. C'est un coup de cœur. C'est limite une mission on devrait être subventionné par l'État. C'est une mission de service public que d'amener ce jeu-là au public, quoi, parce que tout le monde devrait y jouer. Mmh. Ça part d'une. Enfin voilà, c'est du désir en fait. Ça part d'une bonne volonté. C'est que vous, si le jeu vous plaît, vous vous dites que ça va plaire à une majorité de rôlistes et donc il faut le diffuser. C'est ça. Des fois, c'est même pas sûr. Enfin, par exemple, de Descend Face, on a sorti Nobilis et en sachant pertinemment qu'on allait perdre de l'argent dessus. Il nous reste encore 1500 exemplaires. Le jeu, il est paru il y a quoi au moins. Pourtant, quel jeu, le 8 ou 9 ans, et il n'est même pas encore arrivé au point mort, là, je crois. Tu vois, alors là, voilà, bon, bah ça. Bon, alors là, oui, d'accord, c'est un éditeur ok. Associatif aussi derrière. Qui a le droit de gagner de l'argent. C'était pro, ils avaient le droit. D'accord. Si les éditeurs commencent à se dire, on va faire un truc par militantisme presque, là, dans ce cas-là, ils ne sont pas méchants. Enfin, vive-vous, quoi. Enfin, merci de Descend Face d'avoir sorti Nobilis. Vous saviez que vous alliez perdre de l'argent Non, mais attends, soyons honnêtes, Cobal. Ouais. Tu dis ça maintenant parce qu'il y a les exemplaires qui dorment dans un placard et que ça te fait mal au cœur. Mais quand vous avez sorti Nobilis, tu pensais que ça allait faire un carton et que vous alliez être les héros qui allaient en vendre plein. Enfin, alors, j'étais pas encore dans de Descend Face à ce moment-là, mais je sais que Antoine, c'était le but, c'était de sortir le bouquin à tout prix dans ce beau format carré avec avec tout le choix du papier, machin. C'était vraiment un pur plaisir personnel. Il savait que ça se vendrait pas. Oui. je pense qu'il se disait qu'il allait quand même en vendre, mais je suis pas convaincu du tout que que ces considérations-là soient rentrées en ligne de compte. D'accord. Moi, un truc qui m'a révolté, c'est le premier JDR Mag. Les dernières pages conseils de création de jeux de rôle. Faites une étude de marché pour savoir si votre jeu a des chances ou pas de fonctionner. Alors, est-ce que vous, en tant qu'éditeur, ça vous arrive de, entre guillemets, tâter le terrain, de faire des études de marché ? Ouais, une étude de marché, c'est un bien grand mot. Ouais. Tu vas sur les forums, tu regardes comment ça réagit. Et puis non, ouais, non, il y a plusieurs manières de faire. Je pense que moi, ce qu'il y a, par contre, systématiquement, à défaut d'une étude de marché, c'est un business plan, c'est-à-dire de se dire, voilà, le jeu va coûter tant. Potentiellement, dans différents scénarios, il pourrait rapporter tant, tant ou tant, sous tel délai, avec telle contrainte, et voilà, de se dire, ok, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Oui. Après, de connaître, je dirais, l'impact du jeu, c'est-à-dire de se dire à combien d'exemplaires je vais le tirer, et derrière à quel prix je vais le vendre, enfin bon, les décisions, effectivement, en général, qui relèvent de l'éditeur, si c'est l'éditeur, s'il y a un éditeur. Ouais, c'est plus. Alors, je pense qu'il y a savoir ce qui se fait. Je pense que l'étude de marché entre guillemets, c'est pas plus compliqué que de savoir ce qui se fait actuellement, savoir ce qui sort, savoir ce qui marche, savoir ce qui par plaît. Par hasard, il y aurait pas un jeu sur le même thème qui serait en train de sortir. Bah voilà, par exemple, si le mec à côté il fait la même chose, bah effectivement, ça sert à rien de faire. Enfin voilà, c'est se tirer une balle dans le pied. Ou c'est vouloir délibérément causer du tort à l'autre, mais je pense pas que ce soit une stratégie gagnante dans le microcosme du jeu de rôle. Effectivement. C'est ni plus ni moins que ça, savoir ce qui se fait, savoir ce qui se décide chez les autres, ce qui se fait chez les autres, ce qui se vend pas trop mal, ce qui se vend moins bien, ce qui a pu se planter. C'est de la connaissance un peu de ce qui se passe. Et puis après, il y a forcément, au-delà de l'aspect très financier ou économique, il y a forcément une affinité avec le projet. C'est sûr que si quelqu'un me présente un projet, mais voilà, moi ça me parle pas, ou moi j'aurais pas envie d'y jouer, il y a un côté très personnel. Et je pense que là, tous les éditeurs français ou francophones seront aussi dans cette logique-là, parce qu'on est, voilà, les éditeurs ne sont pas des multinationales, et donc c'est forcément une, deux, peut-être trois personnes qui vont décider d'un truc. Forcément, il faut que le jeu leur parle personnellement, quoi. Donc je pense qu'il y a quand même, au-delà, effectivement, le fait de dire faites une étude de marché, bon, c'est un grand mot. C'est, à mon avis, c'est plus de savoir ce qui se fait et si effectivement il n'y a pas déjà le même en préparation, ouais, à côté. C'est ça, faire une étude de marché, c'est de regarder ce qui existe déjà dans le même style sur le terrain, quoi. Ça t'arrive de faire des études de marché, Ludovic ? Pas du tout. Je sais même pas ce que c'est. D'accord. Oui, mais par contre, non, mais je me pose quand même la question, effectivement, est-ce que y a mon voisin qui fait pas la même chose ou un truc équivalent ? Moi-même, dans ma gamme, j'essaye de varier les thèmes. C'est finalement pas parce que tu veux être le seul sur le terrain. C'est pour éviter de manquer de respect à quelqu'un qui se serait déjà lancé dans l'aventure. Oui, et puis. Par exemple, non, je. Si j'arrive en deuxième, j'ai l'air couillon parce que l'autre se sera bien vendu, personne ne voudra acheter le mien aussi. Ouais, là, pour le coup, il y a un côté commercial. Oui. C'est vrai que là, il y a un côté commercial, ça, mais en même temps, on ne veut pas perdre des sous, quoi. Enfin, c'est nos sous à nous. Hein. Qu'est-ce qui t'a. Quand même. Qu'est-ce qui t'a pris, Ludovic, de te dire, tiens, je vais traduire des jeux américains issus de la Forge et. Ça m'a plu. Les jeux. Enfin, les jeux, je les ai lus, ils m'ont plu. Comment est-ce que tu les as découverts ? Je sais plus trop exactement. Une nuit blanche à Seattle. Une nuit blanche à Seattle. Il était sur Silent Drift. Égaré sur Silent Drift. Non, mais à une époque, j'avais lu Dogs in. Enfin, il y avait un article dans le Casus B, un vieux, hein, où il parlait de Dogs et de My Life, Miss Master. Ouais. Donc ça avait trotté dans ma tête. Puis dernièrement, il y a 2-3 ans, j'ai lu Cold City et là ça a fait le déclic. Et tu t'es dit, il faut que je rende un petit peu comme ce que disait Cobalt tout à l'heure, il faut que je rende ça accessible, il faut que je le partage. C'est ce qu'a dit Fabien aussi, hein, c'est d'utilité publique. Hein. Ça n'existe pas en France, pourquoi quasiment. Ça n'existe pas en France ? Là, on parle surtout de la traduction, je pense. Là, je parle surtout de la traduction. Sur la traduction, mais même sur certains jeux créés. Sur de la création française, tu peux te le dire aussi. Hein. Tu lis un truc Théocalie, c'est ce que tu as dû te dire. Hein. Oui, tout à fait. En plus, non, c'est un thème atypique. C'est de se dire, tiens, ça, c'est un truc original, ça n'existe pas. Ça pourrait parler. En plus, il y a des idées sympas dans le jeu et tout. Donc, effectivement, ne pas l'amener, ce serait bête, quoi. Après, on parlait aussi des jeux à commande. Tu peux avoir la même démarche avec un jeu à commande. Je pense que Cobra, quand Pulp Fever le fait, il le fait surtout parce que il aime ça, quoi. Enfin, il se dit pas, ouais, Cobra, ça va se vendre à des milliards d'exemplaires. Il se dit surtout, moi, j'ai envie de faire un JDR sur Cobra. Donc, en fait, le truc, Ludovic, si je voulais un peu résumer ta position, parce que notamment, tu as répondu sur Silent Drift, sur cette question de la thématique des jeux des. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Est-ce que tu pourrais résumer pour nos éditeurs cette discussion ? Pour résumer. Sur Silent Drift, globalement, moi, Fabien, Fred et tous les gens qui participent à Silent Drift en général considéraient les éditeurs un petit peu comme. Enfin, d'une façon un peu déconnectée de la réalité. On a l'impression que vous considérez les éditeurs comme des gens qui vont toucher à votre jeu pour le rendre bankable. Hein, je pourrais le dire comme ça, si je résume. Mmh. Hein, donc, ils vont toucher l'intégrité de votre jeu. Même, je peux aller jusque-là. Et que dedans, il y aura des pubs pour Coca-Cola ou des. Qu'il y aura des gros débats en couverture, des trucs comme ça, quoi. Parce que ça se vend coco. Et donc, moi, ça m'a offusqué parce que je me dis, mais attendez, si vous voulez éditer un jeu. Des gros nichons sur la couverture, tout ça. Et que vous voulez avoir le dernier mot sur la couverture, sur les illus, sur la mise en page, sur les textes, mais vous pouvez le demander. Il y a des éditeurs qui accepteront si ils trouvent votre projet intéressant. Mmh. Et là, Fabien, tu veux... c'est ce qu'il disait tout à l'heure. C'est une question. Faut pas voir le contrat d'édition comme un pacte avec le diable. C'est un contrat qui se. Moi, je ne force pas les. Enfin voilà, quand j'envoie un contrat d'édition, les gens l'ont à l'avance. Ils ont le temps de le regarder, de le lire, d'en discuter. Ils disent bah tiens, ça non. Et puis puis si tu rajoutais cette clause là, machin, etc. Si je voulais résumer un peu tout ce que vous dites par rapport au contrat d'édition, pour moi, c'est imaginez vous êtes un auteur, vous savez pas faire de distribution, vous savez pas faire de maquette, vous avez pas de tuyaux illustration. Bon bah voilà, vous cédez une marge à un gars qui va s'occuper de tout ça pour vous quoi. En gros, Fabien, non, t'es pas d'accord avec moi ? Non, si, c'est ça peut être ça. Mais ce qu'il faut voir, c'est que en fait, finalement, moi, t'es un service proposé aux auteurs d'aide à la création de leur truc, non ? Pourquoi pas ? On pourrait le présenter. Tu prends une marge en échange. On pourrait le présenter comme ça. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est réagir sur la marge. C'est quand on regarde. Sur un jeu et sur le prix du livre, je pense que n'importe qui peut aller sur le site du syndicat de l'édition ou n'importe où pour voir la décomposition des coûts dans le prix d'un livre. Parce que les jeux de Dissident a fait un très bon dossier sur le sujet. Dans le dossier sur l'argent sur Dissident, c'est qu'effectivement, le coût du livre, quand on regarde au final, après, une fois qu'on a compté l'impression, la distribution, la part boutique, la part distributeur, tous les frais de maquette, les frais d'entreposage, les frais de distribution, enfin, tout l'ensemble des frais, finalement, l'éditeur, il n'a pas. Enfin, tu parles de marge, mais il touche pas beaucoup plus que l'auteur au final. Donc, c'est. Et d'où l'idée de l'indépendance, d'inventer un nouveau modèle, c'est-à-dire de chinter toute la distribution, l'éditeur, et puis de finalement de proposer aux auteurs une autre type de rémunération. Moi, sur un sens, c'est 50% de bénéf. Et toi, Fabien, tu gagnes combien sur un? Fallait pas dire ça. Tu as pu en vendre. Non, mais voilà, c'est ça. Le truc, c'est que les gens qui achètent du sens, ils savent qu'ils rémunèrent l'auteur pour son travail. L'auteur aussi est rémunéré sur un jeu d'éditeur. Bien sûr, Fabien. Et derrière, en plus, il se rattrape sur les quantités. Si le jeu marche vachement bien, si le mec il en vend 3000, 4000, enfin. Bon, je vous rassure, on n'a pas tiré Théocali à 3000 exemplaires, mais si le mec il en vend beaucoup plus, il se rattrape au final. Ben mais au final, parce qu'on n'est pas sur le même type. S'il en aurait vendu 3000 en indépendant, il aurait fait encore plus. Romaric, j'ai une question pour toi. L'important, c'est gagner des sous ou que ton jeu soit joué par le plus de monde possible? L'important, c'est que le jeu soit joué par le plus de monde possible. On est d'accord. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, en indépendant, il y a le côté aussi qu'on s'empêche, aussi on passe par-dessus pas mal de personnes qui prennent de l'argent pour des raisons obscures. Par exemple, ce que disait Fabien tout à l'heure, de l'entreposage, excuse-moi, mais je vois pas. Voilà, je sais pas, ils sont où tes bouquins? Ils sont chez toi? Ils sont chez moi. Et t'en as combien? Ben, il y en a 350. 350, donc ça fait 3-4 cartons? Plus que ça? Ouais, c'est déjà pas mal. Enfin, je veux dire, voilà, après, si t'es un éditeur qui a, on va dire, 10 références, et que c'est des références, c'est pas des petits bouquins, c'est des gros bouquins à couverture dure, et que t'en as 500 de chacun, t'as pas envie de les avoir dans ton garage. Donc je veux dire, arriver là, ou bien faut vraiment une toute petite voiture. Enfin, faut avoir beaucoup de mètres carrés chez soi. Et puis il y a le risque, après les animaux de compagnie, t'imagines, tu te retrouves avec le chat qui a pissé sur ton carton de bouquin, enfin ça le fait pas. Tu vas pas vendre ça au rôliste. Tu peux construire entièrement ta maison en carton de jeu de rôle. L'auteur indépendant n'a pas ce problème-là parce qu'il n'édite pas non plus une quantité phénoménale de jeux, il a pas le temps pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc. Tu parlais de l'argent qui ne revient pas directement à l'auteur, mais cela dit, dans ta démarche à toi, toi tu payes des billets de train pour aller en convention partout en France. Et ça te coûte quand même. Je reste quand même largement bénéficiaire de ce que je fais. Bon après voilà, je peux. Mais ça te coûte en temps et en énergie. Il y a des gens qui ont envie d'écrire juste parce que c'est sur leur temps libre, ils écrivent un jeu, ils le font jouer de temps en temps, et ils n'ont pas forcément envie de passer tout leur week-end en convention. Oui, tout à fait. Tu vois, c'est donc il y a ça aussi, il y a ce côté-là aussi. Voire même un éditeur sympa te paierait le billet si tu es un bon auteur. Quoi. Ah bah moi selon les cas, je sais pas comment tu procèdes, Ludovic, mais selon les cas, alors ça dépend des conventions, hein. Ça dépend des budgets, ça dépend de comment machin, mais quand je peux, j'essaye de défrayer mes auteurs quand ils vont en convention pour amener leur jeu. Ouais, mais c'est que ça, c'est tu, ouais, enfin, tu restes bénéficiaire. Tu vas pas défrayer un auteur à perte, tu vois ce que je veux dire. Ah bah comme j'ai dit, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Si je sais que c'est une grosse convention, qu'il y aura du monde et tout, effectivement, la décision sera plus facile. Si je sais que la convention est un petit peu plus, voilà, on n'est pas sûr, c'est la première fois, etc., machin. Mmh. Bon là, tu regardes. Effectivement, tu regardes parce que derrière, c'est pas dans l'intérêt de l'auteur que l'éditeur fasse banqueroute, quoi. Mais non, le but, c'est que ça fonctionne. C'est du win-win comme relation. Donc en fait, que t'ont répondu les gars de Silent Drift quand tu leur as dit ça, que finalement les éditeurs n'étaient pas qu'on avait une mauvaise vision sur Silent Drift. En fait, on avait une mauvaise vision du monde de l'édition du jeu de rôle. Qu'est-ce qu'ils t'ont répondu, tu te souviens ou pas? Non, je m'en souviens pas. Enfin, il me semble que Nonen avait dit qu'il était ok avec ce que je disais et que justement il avait trouvé. Alors, la question se posait sur donc romance érotique, oui. Et c'est Nonen qui a expliqué qu'il avait justement trouvé un éditeur qui pouvait éditer son jeu dans les conditions entre guillemets d'auto. Oui, bah les écuries de Giaz, eux c'est leur truc quoi. Ils sont là-dessus, ils sont bien militants. Moi, ils m'avaient proposé aussi des choses. Voilà, ils font c'est tout pour l'auteur, etc., etc. Voilà, moi en tout cas, j'ai une très bonne expérience à peu près avec eux. Bah, c'est une relation humaine. Enfin, je veux dire, oui, fondamentalement, non, mais voilà, mais... y a des gens, et forcément, comme dans toute relation humaine, il y a des gens qui gèrent bien, il y a des gens qui gèrent moins bien, et c'est tout. C'est une question de feeling. C'est que, tu vois, tu ramènes, en fait, la question de la boîte d'édition et du combat des indépendants à des relations humaines. Mais toi, Fabien, t'es peut-être adorable, mais je m'en fous de Fabien Deneuville. Peut-être que j'adore Fabien Deneuville, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire d'édition, le concept même. C'est ça que les indépendants combattent. Parce qu'après, que Ludovic Papaïs soit sympa, que le 2D sans face soit super cool, que Fabien Deneuville soit sympa, ça, personne ne le conteste. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que est-ce qu'il n'y a pas une autre manière de diffuser des jeux et des auteurs que cette manière d'édition? Est-ce qu'il n'y a pas une manière plus intelligente de le faire? Mais le fait est que la question... Qui conserve l'authenticité de l'œuvre. Ouais, mais la question de la diffusion. Alors, il y a deux choses. Déjà, il y a la question de la diffusion. La diffusion, si on veut qu'un jeu soit diffusé, il faut qu'il soit largement tiré et largement représenté. Donc déjà cette question-là, elle nécessite des moyens. Mais... Ou bien on va le diffuser, OK, on va le diffuser électroniquement, mais faut pas se mettre des œillères. En France, un jeu, il y a quand même un énorme fossé entre un jeu qui va diffuser électroniquement et un jeu qui va être en dur en alors papier là, j'ai une imprimé réponse. Qu'on j'ai pourra une, j'ai une réponse pourra à te faire acheter. Fabien, j'ai une réponse à te faire toute bête, c'est que c'est pas la quantité qui dit si ça va être de qualité derrière ou pas. Non, attends, parler de diffusion. Laisse-moi terminer. La diffusion, c'est la quantité, c'est le placement. Le truc, c'est que, oui, d'accord, ok, tu vas peut-être avoir un super placement, etc. Mais l'idée, c'est que l'auteur indépendant se dit, bah voilà, si mon jeu est de qualité, si mon jeu est vraiment bien, il sera joué, il se diffusera et j'aurai pas besoin de la distribution. Laissons le temps au temps. Les gens, peut-être qu'un jour, ils reconnaîtront que tel ou tel jeu est bon. Ils n'auront pas besoin de le voir en magasin partout pour savoir s'il est bon ou pas. Et ils me feront confiance et tôt ou tard, ils l'achèteront. Est-ce que tu vois l'idée? C'est ça aussi l'idée. C'est l'indépendant, il dit attention, évitons de diffuser des trucs en quantité industrielle à droite à gauche. Ça ne sert à rien puisque de toute façon, si le jeu est de qualité, il se vendra et tôt ou tard, par le bouche à oreille, ça fonctionnera. Je te vois tiquer, Fabien. Je t'en prie, réponds. Ouais, non, mais je vois où tu veux en venir, mais fondamentalement, on reste quand même dans une logique au jour d'aujourd'hui. Si quelqu'un, la bonne manière de découvrir, enfin, une des manières, effectivement, c'est pas la seule. Il y a le bouche à oreille, comme tu dis, mais il y a aussi une manière assez flagrante de par lequel se vendent les livres. Et les livres de jeux de rôle en particulier, c'est je vais dans une boutique, je vois les rayonnages, je vois ce truc là, ah tiens c'est chouette, voilà, même si j'en ai pas entendu parler, même si voilà, mais, le bouche à oreille c'est une source, mais non mais vente, le bouche à oreille c'est une source. Justement là quand tu vends en magasin, t'es carrément pas sûr que ton jeu soit joué. Alors que moi, je peux te jurer qu'à chaque vente que je fais après une partie de Sens en convention, je peux te jurer que le jeu, je sais qu'il va être joué, quoi. Au moins ouais, une partie ou deux. Moi aussi, je vends des théocaliques à des gens qui l'ont joué en convention. Enfin, oui. L'un n'empêche pas l'autre. Ouais, d'accord. Okay. Ouais, mais donc. L'un n'empêche pas l'autre. Je suis désolé. Tu parles du bouche à oreille. Le bouche à oreille, oui, c'est une très bonne manière de répandre le message autour d'un jeu. Sauf que c'est pas la seule. Le message autour d'un jeu, il peut être porté en convention. Il peut être porté par des articles de magazines. Il peut être porté par, pour les forums, c'est aussi bouche à oreille, on va dire. Il va être porté par la présence en boutique. Il va être, enfin, par des podcasts. Podcasts. Non, mais on va parler. C'est un mode de diffusion. Donc effectivement, j'entends ton discours, mais c'est pas le bouche à oreille n'est pas la seule manière de. Et puis après, combien de temps faut-il pour que les jeux en question, même s'ils sont très bons, combien de temps faut-il pour qu'ils soient connus? On appelle les succès d'estime. C'est-à-dire succès commercial, ça arrive dans le milieu du jeu vidéo par exemple. Voilà, les jeux indépendants américains qui sont quand même disponibles sur le net depuis un paquet d'années ils sont arrivés en France très récemment en fait. Mais en fait le truc grâce à Ludovic. Enfin entre grâce autres, à une traduction et un éditeur. Autres, ouais, voilà. Je tique un peu grâce à Ludovic. Bon Ludovic est en face de moi, je peux il y a nous aussi merde, on a fait un bon boulot aussi. Non, vous aussi bien sûr. Le drift, ça existe avant moi, parler trop vite. Mais... La traduction est arrivée grâce à Ludovic, c'est vrai. Il a fait le gros du travail pour la diffusion des jeux, mais quand même, on en a beaucoup parlé avant. Je suis d'accord. Silent Drift a toujours été, et même moi, en tant que concepteur de jeu, quand j'ai bossé sur New Haven, j'ai été sur Silent Drift. J'en ai discuté avec vous, j'ai plus trop le temps ces derniers temps, mais je veux y retourner parce qu'il s'y dit des choses toujours très intéressantes. Silent Drift, moi j'ai même plus le temps d'y discuter parce que mon travail d'auteur indépendant prend tellement de temps que j'ai même plus le temps d'y discuter. Non mais est-ce que tu te rends compte de ça? Tu veux pas un éditeur pour avoir plus de temps? Non mais voilà, c'est ça. Mais bien sûr. Mais regarde par exemple Nonen, tu rigoles de ça Ludovic, on rigole tous autour de cette table avec ta boutade, mais finalement Nonen, c'est ce qu'il a fait. C'est pour ça à mon avis sur romance érotique. La première raison, elle est là, c'est qu'il a pas envie. C'est ce que tu disais tout à l'heure Fabien, mais bien sûr. Mais je crois que c'est ce qu'il a écrit hein, je crois. Il l'a écrit, il l'a dit et voilà, c'est ça, c'est qu'on a il a pas forcément envie de faire la diffusion, d'être à toutes les conventions, c'est ce que vous avez dit au cours de ce podcast. Et c'est là que l'éditeur est bien pratique. Si toi tu as envie d'y aller parce que toi c'est ton truc, c'est voilà d'aller en convention, rencontrer les gens, tout ça, mais 30 ans. Le truc c'est que je me dis, c'est que le format d'édition est foncièrement optimiste et je me dis que si le jeu est bon, il y a pas de raison. Il n'y a pas besoin qu'il soit sur toutes les étals de magasins. Tôt ou tard, ça va marcher. C'est ça, mon point. Je pense que là où tu te trompes, c'est que tu dis si le jeu est bon. Moi, je pense que c'est si le jeu est extrêmement bon, ça marchera. Ouais. Si le jeu est juste bon, ça ne suffira pas. C'est ce que je disais, c'est que c'est pas le bouche à oreille n'est pas le seul pour que un rôliste en croise un autre au PMU du coin et lui dit, ou sur le forum du coin, on va dire pour être plus précis, et lui dise, parce que des gens qui vont lire les livres de jeux de rôle, il y en a plein, mais des gens qui vont tellement aimé un livre au point d'aller mettre un truc sympa sur le grog, sur Casus No ou n'importe où, pour dire du bien de ce jeu-là et vraiment en faire le bouche à oreille, il y en a quand même, c'est pas tout le monde quoi. C'est pas tout le monde. C'est peut-être 0,1% des gens qui auront ou 1% peut-être si le jeu. Et là justement ce pourcentage là dépendra de la qualité du jeu. Si le jeu est vachement bien, peut-être qu'il y aura 2 ou 5% des gens qui auront acheté le jeu, qui seront tellement enthousiastes sur le truc qu'ils iront le balancer aux quatre vents. Mais voilà, après effectivement, c'est une question de qualité du jeu. Ça joue, mais effectivement, il y a tout un monde entre acheter un jeu, lire un jeu. Parce qu'il y a des gens aussi qui achètent sans lire et parce qu'ils en ont pas le temps, et c'est pas grave. Il y a tellement de sorties que voilà, c'est tout, ça arrive. Et moi aussi, j'ai plein de jeux que j'ai jamais lus. Enfin, et c'est dommage, mais j'aimerais bien avoir le temps de les lire un jour. Et puis après, il y a ceux qui les font jouer, non, et il y a ceux qui vont faire un retour dessus. On est d'accord. Maintenant, est-ce que le problème en fait, c'est que l'industrie entre guillemets du jeu de rôle n'est pas suffisamment pérenne pour les éditeurs et pour les gens qui essayent d'en vivre, on va dire, pour les gens qui en vendent. Il y a pas, un jeu de rôle, ça prend trop de temps. Une campagne de Théocali, ça prend trop de temps, et donc du coup, cette personne qui va s'investir dans une campagne de Théocali, elle aura pas le temps de s'investir dans une campagne de Sens ou dans une campagne d'AD&D. Et donc du coup, en fait, il est là aussi le problème, non? Oui, non, je suis d'accord avec toi. On est sur une matière qui, effectivement, avec un livre, on peut jouer des dizaines et des centaines d'heures. Un jeu de rôle ne périme pas. Pardon ? Un jeu de rôle ne périme pas. Non. On peut jouer encore à des trucs parus il y a 10 ans et ce sera toujours aussi bien. Exactement. C'est incroyable. Par rapport à un film, et c'est une des beautés du jeu de rôle et c'est pour ça qu'on aime ça. Mais effectivement, par rapport à un film ou un jeu vidéo, évidemment, tu vends ton jeu vidéo. Une fois que le jeu est fini, t'es obligé d'acheter la suite pour jouer. Bon bah voilà, c'est pas le cas dans Alors un jeu de rôle. Alors est-ce qu'il peut exister une économie pérenne du jeu de rôle ? Est-ce qu'il peut exister une industrie du jeu de rôle ? Fabien, comment on fait pour gagner le premier prix des entrepreneurs en faisant du jeu de rôle ? Comment on fait ? Grand prix de l'auto-entrepreneur. Là, alors là, tu me fais halluciner quand même. Quoi. Bah, comment on fait ? Non, là, c'est, enfin, comme les prix, je veux dire, un prix, on remplit un dossier. Un jour, j'ai reçu un mail qui me disait, tiens, on organise ce prix pour les auto-entrepreneurs. Moi, je suis auto-entrepreneur. Donc, j'ai envoyé un dossier et puis le dossier a été sélectionné. Enfin, c'est tout. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie du jeu de rôle ? Un jour, tu pourras en vivre ? Est-ce que tu en vis déjà ? Mais non, que... non. Enfin, non. Non. C'est moi, pour qu'un éditeur puisse. Alors, et encore en vivre, c'est compliqué. Mais à mon avis, pour qu'un éditeur puisse s'en sortir et on va pas dire prendre quelques centaines d'euros pour lui chaque mois et ce sera pas beaucoup plus que ça. Il faut qu'il sorte, on va dire qu'il ait un rythme de sortie suffisant, entre 3 et 5 bouquins qui sortent par an et que ces bouquins là se vendent bien. Après c'est une question de trésorerie, c'est-à-dire qu'effectivement quand on gère une entreprise, bah il y a de la trésorerie à gérer, il y a des fournisseurs à payer, il y a de l'argent qui rentre par les clients. Enfin après c'est de la gestion d'entreprise. Alors effectivement, c'est le grand capitalisme horrible que tu vas dire, ouais, mais bah, effectivement bien sûr, mais gérer une entreprise, c'est ça. Et effectivement, après, un éditeur, selon la trésorerie, s'il peut se permettre ou pas de le faire. En fait, moi, aujourd'hui, je peux pas. Ce que je voulais dire par là, c'est que finalement, l'industrie du jeu de rôle étant inexistante, ne pouvant exister, on a peu de chances de se retrouver avec des éditeurs comme on peut s'en retrouver dans le milieu du cinéma ou ce genre de choses. Et donc, le combat de l'indépendance est peut-être plus insensé. Cobal, tu voulais ajouter quelque chose ? Oui, en fait, il y a pas mal d'éditeurs de jeux de rôle qui s'appuient sur autre chose que du jeu de rôle pour pouvoir en éditer. C'est-à-dire par exemple 7e cercle ou même Hicham. Alors c'est quoi les autres choses ? Matagot. En fait, ils s'appuient sur du jeu de société, du jeu de plateau qui eux rapportent beaucoup plus. D'accord. Malgré une mise de fonds qui, à mon avis, est supérieure, mais ça doit rapporter beaucoup plus. Alors, il y a la notion. Attends, il y a une minute, Fabien. Oui, la notion de Fabien. Beaucoup plus, quand même, faut pas s'enflammer non plus, parce que le jeu de société, oui, par rapport à du jeu de rôle, ça va rapporter plus, mais c'est aussi difficile d'en vivre. Hein. Ouais. Oui, non, mais oui, c'est. Enfin, c'est peut-être pas énorme, mais en tout cas, c'est peut-être. C'est probablement plus facile que pour quelqu'un qui édite que du jeu de rôle. C'est vrai. Cette phrase-là est vraie. Fabien, tu voulais ajouter quelque chose ? Non, mais c'est ça, c'est que effectivement, il faut savoir être sur plusieurs tableaux. Moi, effectivement, aujourd'hui, le jeu de rôle, c'est pas ma seule activité, et voilà, c'est très très difficile d'en vivre. Après, les pistes à explorer, les choses à explorer, à mon avis, c'est d'aller, je pense, une des clés, si on veut, qui est vraiment un jour des gens plus gros en jeu de rôle, c'est d'aller vers le cross-média. C'est-à-dire, c'est d'aller vers peut-être autre chose. Pourquoi on ferait pas des action. Les ombres d'Estérène, finalement, qui essayent de développer. Par exemple, les ombres d'Estérène essaient de le faire. Il y a deux, trois exemples comme ça où on essaie d'aller vers du cross-média. Pourquoi on se ferait pas un jeu, alors un jeu de société, pourquoi pas, ou pourquoi on se ferait pas un jeu de cartes de rôle qui pourrait être joué dans les cours de récré. Après, c'est d'essayer d'aller vers du cross-média pour essayer d'élargir le marché. Pour faire un MMO. J'attends de voir le jeu de société Sens. Ça serait pas mal, non? Un jeu de cartes. C'est pas possible. Parce que c'est un jeu qui est, enfin, c'est même. Non, c'est basé sur l'immersion. C'est un média le média se porterait pas. Le message de Sens a besoin du jeu de rôle pour exister. Je peux même pas en faire un film. Oui, Tu peux pas. J'aurais bien voulu. Tout est basé sur la notion du décalage entre l'immersion, le machin, tout ça. Donc tu joues sur la mécanique de base du jeu de rôle. Du jeu de rôle, exactement. Mais il faut reprendre ton truc. Effectivement, moi demain, si je peux, je commence à regarder. Et là, pour le coup, il y a un peu d'études de marché. C'est pourquoi pas se faire des action figures Théocali. Pourquoi pas se faire un dessin animé Théocali. Enfin, je sais pas, j'en sais rien. Mais tu vois là, on quitte le jeu de rôle et puis on passe à quelque chose de commercial du coup. Mais c'est normal parce que là, mais si derrière on se dit, c'est marrant. à la base, c'était un jeu de rôle, puis c'est devenu ce truc énorme, si un jour ça le devient. Peut-être que ça remettra les gens en jeu de rôle. Ça serait marrant, quoi. Et effectivement, ça peut, ça devient, enfin voilà. Moi, je pense que c'est une piste, c'est de se dire le cross-média, le produit dérivé ou des choses comme ça peuvent être une réponse à ta question de se dire est-ce que le jeu de rôle peut exister de façon pérenne. Mais effectivement, du coup, on revient à ce que tu disais, qui est de se dire le jeu de rôle existera en fait, parallèle à d'autres activités. Mon point, Fabien, c'était de dire que justement, c'était impossible et que c'était pour ça que les maisons d'édition ne peuvent pas devenir des maisons d'édition coercitives comme c'est le cas dans notre média. Mais si tu me dis que c'est possible, là, tu m'inquiètes parce que ça veut dire qu'il peut y exister. Ce que tu veux dire, c'est finalement, c'est que c'est la fragilité des éditeurs de jeux de rôle qui les rend sympathiques entre guillemets pour les auteurs. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le fait que le jeu de rôle ne puisse pas devenir une industrie qui fait que les gens agissent massivement par passion, qui sauve les éditions de jeux de rôle. C'est ça qui. Mais en fait, l'édition en tant que telle dans les autres médias a montré, a prouvé qu'elle était foncièrement mauvaise, foncièrement méchante. Mais dans le jeu de rôle, heureusement, parce que la passion vous sauve. Si, la passion te sauve, toi. Oui, oui. Parce que la passion vous sauve, vous êtes préservé. Mais je pense que même dans d'autres trucs, si on édite un livre, un roman, quelque chose comme ça, je pense que quelque part d'avoir quelqu'un de la passion aussi parce que ça commence à être limite. Il y a des auteurs qui jouent très bien et des éditeurs qui éditent très bien. Je veux dire un bouquin qui se vend à 200 000, 300 000 exemplaires. Je veux dire, je crois que l'éditeur et l'auteur ont pas trop de questions à se poser pour les 2-3 ans à venir. C'est pas le cas pour le jeu de rôle. Voilà, c'est pas le cas pour le jeu de rôle, effectivement. Mais voilà, c'est ça que je te dis, c'est que je pense que derrière, même pour des gens comme ça, d'avoir un éditeur qui apporte sa petite touche, son regard critique, son retour, son truc, et qui aide, qui inspire un petit peu le qui est dans une relation de mécène quasiment par rapport à l'auteur. Je pense que c'est pas forcément mauvais. Tant que les éditeurs restent des mécènes qui ne regardent pas et qui ne critiquent pas le contenu, etc. Qui font un retour critique. Oui, il y a un retour critique. Ils disent attention, cette scène-là, là, ce passage-là, c'est un peu trash, c'est pas forcément, enfin, ou, voilà, effectivement. Tu vois comment t'es. Là, t'es méchant parce que du coup, mais ça veut dire qu'on peut pas faire de jeu de rôle trash édité par Footbridge Edition. Non, mais non, je dis pas ça. Je dis pas ça. Allez, moi, j'ai envie de faire un jeu de rôle sur le viol, s'il te plaît. Doberman, le jeu de rôle. S'il te plaît. Allez, tu me l'édites, s'il te plaît, Fabien. Doberman, le jeu de rôle. Non, mais tu vois, c'est ça le truc. Mais attendez, vous rigolez, mais je suis sûr qu'il y a des gens sur Silent Drift qui peuvent se dire, mais non, moi ça me fait pas rire, j'ai peut-être envie de le faire, peut-être qu'un jour je le ferai. Moi j'ai donné cet argument-là, j'aurais pu donner n'importe quel autre exemple. Mais c'est effectivement, c'est un retour, c'est cette notion de retour. Et effectivement, ça veut dire que parfois, l'auteur doit revoir des trucs. Parce qu'on lui dit, tiens, là, à cet endroit-là, t'as parlé de telle créature, puis 100 pages plus loin, tu nous reparles de la créature, mais qu'en fait, elle utilise une autre source de pouvoir, donc c'est pas cohérent. Est-ce que tu t'en es rendu compte? Je m'en étais pas rendu compte, je change. Enfin, c'est à ça que ça sert le regard d'un éditeur. Et si effectivement l'œuvre de l'auteur n'est pas bien à la base, l'éditeur va dire non, ça m'intéresse pas. Je pense qu'encore une fois, le combat de Silent Drift pour l'indépendance, il est avant tout de libération psychologique des esprits, c'est-à-dire contre l'autocensure. C'est-à-dire arrêter de se dire, premièrement, ne pas écrire ce jeu parce que ça se vendra pas. Voilà. Premier truc. Ça, je suis d'accord. Et puis, inversement, il est contre l'ajout d'éléments supplémentaires sous prétexte que justement ces éléments-là sont vendeurs. Par exemple, on va ajouter des gros nichons sur sa couverture pour faire vendre davantage. C'est ce que je te disais, Ludovic, en préparation du podcast. Si l'auteur n'a pas la possibilité d'avoir des illustrations simples, que l'éditeur lui amène des illustrations, alors je parle pas forcément de nichons, enfin, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Si l'éditeur te dit, on pourrait mettre ces illustrations-là. Bon, voilà. Après, effectivement, selon la relation auteur-éditeur, effectivement, dans le cas où l'éditeur lui dit à l'auteur c'est ces illustrations là et point barre c'est ça ou rien, bon effectivement c'est pas top, je suis d'accord avec toi, là c'est méchant pour le coup. Si par contre il lui dit il y a cet illustrateur là, qu'est-ce que vous en pensez et tout, est-ce que ça vous dit, bon si c'est dans une concertation saine et qui peut s'organiser contractuellement, c'est pas déconnant. Mais c'est ça quoi, Ludovic, tu voulais réagir sur ça? Non, je voulais dire c'est même positif, c'est-à-dire toi tu le vois plus dans l'ajout d'un élément commercial qui va le rendre plus vendeur, quoi. Tout à fait. Ouais. Alors que finalement, ça peut être l'ajout de quelque chose qui rend le jeu meilleur aux yeux de l'auteur. Ça, oui. Mais ça, c'est merci. C'est-à-dire, merci si les éditeurs, c'est des gens qui améliorent, qui nous permettent d'avoir des retours constructifs où on se dit, Ah putain, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est vachement bien ce que me propose Ludovic, je vais l'ajouter. Mais là, oui, mais je dis oui. Nous, c'est ce bien qui arrive souvent, ça. Hein. Ouais. Enfin, sur mes traductions, c'est ce qui arrive souvent sur les maquettes. Mais tu vois, l'idée de Silent Drift, elle est politique. Elle est pas tournée vers Ludovic Papaïs et vers Fabien Deneville. Elle est pas tournée vers les personnes. Elle est tournée vers les entités morales représentées par la boîte à eux et par, par exemple, Footbridge Edition. C'est ça le truc. Et puis aussi pour réveiller les auteurs dans leur caverne qui se disent forcément bon bah voilà, si je veux que mon jeu marche, il faut qu'il soit édité. Et c'est là qu'on peut leur dire bah non, je suis désolé, tu peux le faire aussi en indépendant. T'as pas forcément besoin des éditeurs. T'auras probablement besoin de leur retour technique, peut-être de conseils, d'aller voir dans les conventions, d'enregistrer des podcasts avec eux, etc. Mais t'auras pas forcément besoin d'eux ensuite lorsqu'il s'agira de passer à l'acte. Voilà, c'est tout. C'est tout. Non, mais l'auto-édition ou l'édition à compte d'auteur, ça a toujours, ça a toujours existé. Bien sûr. Une manière de faire. Moi-même, bah, dans les jeux Footbridge, il y a des jeux qui sont de moi, ou des livres qui sont de moi. Ouais. Et, Là, du coup, t'es auteur indépendant pour là, tes projets. Pour ce truc-là, effectivement, je suis indépendant puisque c'est moi qui avais ça. Mais c'est pas parce que je suis indépendant que j'ai pas été chercher des retours ou que j'ai pas été tester mon jeu, pour le peaufiner. Mais par contre, ça veut pas dire solitaire. Mais c'est vrai que derrière, je pense que le fait d'avoir un regard, parce que j'ai bossé aussi en tant qu'auteur pour les écuries d'Ogier, dont on parlait tout à l'heure, et le fait d'avoir un regard, un retour qui te dit, ah bah là, dans ton scénario, il y a ce truc-là, bah là, t'aurais pu rappeler ça, puis là, on comprend pas le lien entre cet élément-là et cet élément-là. Enfin, c'est un plus. Mmh. C'est un plus. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Et puis derrière, sur la notion de modification d'une œuvre, effectivement, de la faire rentrer dans un moule. Bon. Il y a quand même, effectivement, derrière l'édition, un investissement, un pari. Donc ça veut dire que effectivement le pari va se faire, sera plus ou moins risqué. Et en général, un éditeur va parier là où il pense qu'il y aura quand même des retours. Ouais. Donc si derrière effectivement le jeu est hyper pointu dans un sens ou dans un autre, bah il aura peut-être moins de chances de passer par un éditeur. Mais je pense que ça n'empêche pas l'auteur d'essayer de le diffuser s'il le souhaite. Mais ce sera pas la même. Alors un dernier point que je voulais aborder avec vous avant de conclure ce podcast, c'est l'idée que l'étiquette indie serait finalement une autre manière de faire du commerce et de faire vendre. Je sais que dans les couloirs, parfois, on murmure que finalement, les gens qui se proclament de l'indie, finalement, cherchent un argument commercial. Dire, bah, regardez, achetez, c'est bon, c'est français, c'est produit en bas de chez vous, etc. Est-ce que parmi autour de cette table, il y en a qui pensent que l'indie peut aussi être une étiquette commerciale et qu'en fait, Silent Drift, c'est des méchants commerciaux qui vendent de l'indie, par exemple? Alors, moi, je pense qu'effectivement, ça peut constituer une sorte d'étiquette et qui sera peut-être, enfin, pour moi, par exemple, ça devient un argument de vente. Mmh. On me dit, ah, tu connais pas le jeu indé sans ce machin là. Donc tout de suite, si c'est de l'indépendant, je vais m'y intéresser. Donc vis-à-vis de moi, ce sera un argument de vente. Mais ce sera pas obligatoirement le cas pour tout le monde. D'accord, ok. Alors pourquoi est-ce que l'indépendant est pour toi un argument de vente? Parce que les éditeurs sont méchants? On en revient à cette question là. Non, c'est parce que la plupart du temps, les jeux indépendants abordent des thématiques ou une façon de voir les choses qui change par rapport à la vision traditionnelle. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. D'accord. Ludovic Papaïs. Oui. Il me semble que. Bah, je sais pas si c'est toi qui as dit ça ou Brand. Peut-être c'est Brand qui m'a envoyé un mail une fois pour me dire que. Jérôme Larré, enfin, ouais, je vais pas comme cochon. Je vais le défendre. Bon, ouais. Donc, il me semble que c'est lui qui m'a envoyé un mail une fois pour me dire que, en gros, l'indie c'était une étiquette commerciale en fait. Ça devenait de plus en plus un argument de vente. Ouais. Est-ce que tu es d'accord avec cette idée-là ou pas? Non. Ça dénote, enfin, voilà, si quelqu'un se sent attiré vers des choses un peu originales qui sortent des sentiers battus, effectivement, pour lui. Ça va constituer un argument de vente. D'accord. Ouais. Voilà. Comme Cobal, par exemple. Voilà, mais c'est de la niche de niche. Donc, Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est de la niche de niche. Ouais. Bah, le JDR est une niche et l'Indé est la niche de la niche. Ça fait vraiment une petite niche. Ok. En tout cas, voilà, le truc, en fait, je pense, le point essentiel, c'est l'idée que, de toute façon, comme le jeu de rôle ne peut pas être une industrie, est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Mais, de toute façon, non, mais le fait est que quand on parle d'éditeur, effectivement, on n'est pas face à des majors, on est face à des gens qui, grand max, c'est 3-4 personnes. Et encore, donc ils sont pas tous à temps plein dessus, ou enfin voilà, pas vrai, forcément. Et que voilà, du coup, effectivement, si on a en tête cette image. Que les majors imposent telle ou telle chose, etc. Oui, effectivement, dans le jeu de rôle, c'est pas près d'exister. Par contre, je pense que derrière, à mon avis, effectivement, je trouve la vision que tu peux avoir et qui peut être défendue sur Undrift du grand méchant éditeur un peu caricatural, parce que effectivement, l'éditeur, pour moi, une relation d'auteur à éditeur, c'est une relation qui, si chacun y met du sien, alors effectivement, et c'est pas toujours facile hein, comme toute relation humaine, mais si chacun y met du sien, qui peut apporter plein de choses et pour l'un et pour l'autre, c'est du gagnant-gagnant. D'accord. Ludovic ? Oui, ça je suis assez d'accord, c'était le point, c'est pourquoi j'ai réagi sur Silent Drift en fait. C'est qu'on a l'impression d'être diabolisé, c'est peut-être fort hein, comme mot, mais d'être les grands méchants. Et moi je voulais défendre le fait que non, on n'est pas tous, on est loin d'être tous comme ça. Vous avez le droit d'être indépendant, c'est pas grave, hein, vous pouvez vous auto-éditer sans souci. Hein. Effectivement, il y a des trucs qui ne seront jamais éditables pour des raisons X ou Y. Ouais. Hein. Doberman, le JDR, je ne suis pas sûr que ça soit éditable. donc vous pouvez être indépendant, mais n'oubliez pas des fois quand même qu'il y a... enfin ça peut être fait en indépendant. Mais n'oubliez pas des fois qu'il y a des éditeurs qui sont sympas quand même. La plupart, la majorité, je sais pas à combien on peut l'évaluer. Vous êtes sympa, Cobal. C'est parce que tu t'es pas auteur pour nous. Magnifique. Bravo. Cobal, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter ou est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Non, là, je pense que tout est dit. Effectivement, ouais, le c'était beaucoup. Évidemment, c'était une provocation de ta part. Non, en fait, le truc, c'est que maintenant que je vous ai donné la parole, vous avez eu le droit de vous défendre. Maintenant, je vais pouvoir vous attaquer. Ah. Je vais inviter les gars de Silent Drift. Je leur dis, après la question, les éditeurs sont-ils méchants? Les éditeurs sont méchants. Et puis hop, comme ça fera un podcast, parce que malheureusement, on n'a pas l'occasion de se rassembler tous ensemble. Mais ce serait sympa de faire une discussion tous ensemble une fois, parce que moi, j'ai pas forcément tous les arguments de Christophe. De Christophe, c'est quelqu'un aussi qui fréquente beaucoup le milieu américain. Donc là, il y a des arguments pour le milieu américain qui sont forts, parce qu'il y a quand même des grands groupes. Mais c'est vrai que le truc, c'est que on est dans le milieu francophone. C'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que c'est déjà la niche de la niche aussi, quoi. Le jeu de rôle français. Déjà, voilà, C'est vrai que le truc. Des éditeurs comme, je sais pas, Steve Jackson Games ou. Oui, c'est ça. Ils commencent à avoir une masse suffisante pour pouvoir. Sauf que SG Games, ils fleurissent aussi sur un bon fond de jeu de plateau. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Non, mais clairement. C'est vrai. Tous les Munchkins, tout ça, il me semble que c'est eux qui font ça. Ouais. Donc voilà, ça c'est leur fond de commerce. Donc derrière, le jeu de rôle, c'est un truc qu'ils font pour se faire plaisir à côté. Et c'est ça qui leur assure leur trésorerie. Là, pour le coup, on peut parler de trésorerie. Donc voilà, vous l'aurez compris, les éditeurs ne sont pas forcément méchants tant qu'ils ont cette logique de donner la parole à des auteurs et d'être mécènes, comme tu disais tout à l'heure, Fabien. Reste à savoir après jusqu'où, en fait, où est-ce qu'on met le curseur entre le contrôle sur son auteur quand on est éditeur, et puis et voilà, c'est une question de curseur finalement, quoi. Tout ça, comme l'a très bien dit Ludovic, ça se règle. Le contrat voilà, c'est un contrat, donc après ça se discute, quoi. Eh bien voilà, j'imagine que les gens de Silent Drift vont avoir des tas de choses à dire après ce podcast, et je leur donnerai la parole bien sûr pour qu'ils puissent réagir. Allez, à bientôt tout le monde, merci à Ludovic, merci à Fabien, merci à Cobal, on aura l'occasion de se retrouver pour d'autres podcasts musqués. Allez, à bientôt tout le monde, au revoir.